au Maghreb. Et la première question que j'ai envie de poser, en fait, là, selon ton analyse, là, qu'est-ce qui cause ce mouvement-là? Oui, d'accord. Alors, bon, ce sont des révoltes qui ont toujours existé au Maghreb depuis le milieu des années 80. Ce sont des régimes fortement contestés, et ce, depuis les indépendances même, parce que les indépendances ont été... dans les différents pays, là, si je m'en tiens à l'Algérie, au Maroc et à la Tunisie, le Maroc sont des anciens protecteurs français. Donc à la fin des années 50, l'Algérie, son indépendance en 62, après une guerre de libération. Mais tout de suite, au lendemain des indépendances, la direction politique, si vous voulez, des mouvements nationalistes qui ont porté les aspirations du peuple pour l'autodétermination a été confisquée, si vous voulez, par des élites plus militaristes qui ont confisqué le pouvoir. De sorte que ce sont surtout des régimes de police politique et des régimes militaires qui se sont constitués au pouvoir avec une frange de bourgeoisie étatique. Et ça, bon, ça n'a pas répondu aux aspirations populaires des masses qui ont pourtant consenti des sacrifices énormes pour l'indépendance de ces pays-là. Donc jusqu'au milieu des années 80, le système de parti unique a pu prévaloir à travers tout un régime de redistribution, notamment en Algérie à cause de la rente pétrolière. Mais au milieu des années 80, la crise de la dette, la pauvreté qui gagnait des secteurs de plus en plus de la population, a fait en sorte que ce régime de parti unique ne pouvait plus tenir. Et aujourd'hui, l'ensemble de la population, si vous ne savez peut-être pas, mais peut-être que d'autres le savent, mais vous savez qu'au Maghreb, la génération des 35 ans et moins, ça compose à peu près 70% de la population. Eh bien, les perspectives d'avenir sont tout à fait inexistantes. Le chômage, la pauvreté, tout ça se conjugue au mépris finalement de la vie humaine qui caractérise ces régimes, qui sont des régimes tout à fait dictatoriaux, qui ne répondent pas aux aspirations les plus élémentaires, si vous voulez, de catégories importantes de la population. Voilà finalement le tableau qu'on peut en dresser. Et s'il y a des révoltes qui se manifestent de cette façon, c'est tout simplement parce que les canaux de l'expression politique qui pourraient exister dans un régime démocratique minimal, elles n'existent pas dans ces pays-là. Voilà à première vue ce qui peut expliquer cette révolte. Et dans votre analyse, en fait, tous les régimes un peu dictatoriaux basés sur le pouvoir militaire qui sont au Maghreb présentement ont été au pouvoir dans la complicité puis même dans le partenariat avec les puissances occidentales comme le Canada, la France, les États-Unis. Et maintenant, aujourd'hui, avec ces révoltes populaires-là, sur quel pied danse l'Occident finalement? Bon, dans le cas de beaucoup de pays d'Afrique, hein, et le Maghreb n'échappe pas à cette logique, ce sont des indépendances qui ont été négociées. Hein, donc des indépendances négociées qui ont été concoctées dans des modalités qui permettaient quand même à l'ancienne puissance coloniale d'assurer ses intérêts sur beaucoup de plans. Le rôle de l'Occident là-dedans, ce serait très long, mais ce qui mérite d'être soulevé, c'est que sur quoi ces régimes-là arrivent, comment ces régimes-là arrivent à consolider leur emprise sur la société. Dans le cas de l'Algérie et de la Tunisie, et du Maroc dans une moindre mesure, c'est bien entendu, vous le savez tous, c'est l'agitation, l'instrumentalisation du péril islamiste. Bon, dans le cas de l'Algérie, le péril islamiste qui est instrumentalisé comme menace, c'est une rente pour ce régime au même titre que le pétrole. Donc le régime se présente aux yeux à la fois des institutions financières internationales, mais aux yeux aussi des grands parrains de ce régime sur le plan géopolitique dans la région, comme le garant de la stabilité. Et voyez-vous, quand on parle de l'Occident, nous ne parlons pas des sociétés civiles, de nos sociétés. Ce dont nous parlons, bien entendu, ce sont les acteurs dominants du système mondial. C'est l'IFM transnational, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Donc c'est la logique économique d'ensemble de ce système. C'est ça que j'appelle l'Occident. Ce n'est pas les valeurs libérales ou les valeurs des droits humains ou des lumières que l'on rejette. Donc cet Occident assure sa stabilité à travers ses régimes militaires, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas se soumettre au suffrage des urnes, parce que très souvent, ce dont ils ont peur, c'est que le résultat de ces élections donne au pouvoir des résultats politiques qui remettent précisément le compromis, qui remettent en cause le compromis entre les élites internes et l'ordre dominant. Donc, et dans le cas de l'Algérie, par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que les Américains actuellement essayent d'établir une base militaire de leur commandement en Afrique, ce que l'on appelle l'Africom, qui n'est pas très médiatisé dans nos sociétés ici au Québec. Mais donc c'est un commandement militaire que les Américains essayent d'installer sur le continent africain. Pour l'instant, le commandement militaire pour l'Afrique, il est installé à Stuttgart sur une base de l'OTAN. L'Algérie se présente comme, si vous voulez, l'allié subalterne dans cette logique un peu géopolitique que les Américains veulent asseoir sur le continent africain. Bien entendu, ces régimes-là savent également jouer sur les rivalités entre les États-Unis et la France pour savoir se positionner, pour se présenter comme des alliés incontournables. Et là, avec tout ce mouvement de révolte-là, les dictateurs qui quittent, est-ce qu'on peut s'attendre à une certaine rupture avec le statu quo qu'il y avait finalement avec les puissances, les acteurs comme l'OTAN, l'OMC, le FMI, ces choses-là? Est-ce que ça va marquer une rupture, selon vous? Ah, ça, c'est la bonne question que les journalistes d'RDI ne posent pas à tous les spécialistes patentés qui défilent sous les projecteurs. Bon, moi, j'ai bien peur que la révolution tunisienne soit confisquée. C'est très rare actuellement que l'on l'entende, en tout cas les voix les plus critiques du régime tunisien, ceux qui remettent en cause le compromis qui existait entre la bourgeoisie nationale et le régime de Ben Ali, les voix qui remettaient en cause le rôle très bureaucratique que jouait la centrale syndicale de l'Union générale des travailleurs tunisiens, par exemple, ces voix-là les plus critiques qui semblent se positionner aux côtés, par exemple, du mouvement Attaque Tunisie, du mouvement du Parti communiste ouvrier tunisien, du CNLT, qui était le Comité national pour les libertés en Tunisie, de Sihem Ben Sedrine. Donc la tendance plus critique qui remettent en cause finalement la dimension tout à fait cosmétique du gouvernement d'Union nationale qui est porté actuellement par Mohamed Ghannouchi, ces voix-là ne sont pas celles qui sont entendues. Et j'ai bien peur que finalement, les tendances qui pourraient remettre en cause les éléments structurants de ces pouvoirs ne soient pas entendues. Dans le cas de l'Algérie, c'est la même chose. Ça va être un travail plus à long terme, un travail de pédagogie politique, de politisation, si vous voulez, à l'échelle de la société. Qui peut le mener? Ben, c'est bien entendu des syndicats autonomes, des associations de la société civile, les mouvements sociaux dans ces pays-là qui sont à l'état embryonnaire. Voilà, mais sans vouloir être pessimiste, je vous dirais que nous ne sommes véritablement pas rendus là dans l'expression de la révolte qui émane actuellement, que ce soit en Algérie, en Tunisie ou au Maghreb, et même en Égypte. Et il va falloir un travail de politisation, si vous voulez, de ce mécontentement pour que ces questions-là que vous soulevez, qui sont les questions déterminantes, puissent être à l'ordre du jour politique dans ces sociétés-là. On parlait tout à l'heure, en fait, que les pouvoirs dictatoriaux dirigés par l'armée dans les pays du Maghreb, ça avait l'avantage pour les structures internationales, en fait, de maintenir une sorte de stabilité dans la zone, etc., et aussi dans les relations que ces pays-là du Maghreb entretiennent avec notamment le Moyen-Orient. Maintenant que la donne change, en fait, que les dictateurs se font mettre dehors, est-ce que cette dynamique-là, est-ce que cette stabilité-là pourrait changer? Est-ce qu'on peut entrevoir des possibilités de conflit avec le Moyen-Orient? Bon, le départ de Ben Ali n'est pas quelque chose qui coïncide avec la remise en cause de la mainmise des rapports avec l'Occident. Hein. Si vous voulez, le régime actuel ne remet pas tout à fait en cause ses relations, les fondamentaux, si vous voulez, du pacte que Ben Ali avait avec l'Union européenne à travers, par exemple, l'accord d'association qu'il a signé avec l'Union européenne. Donc nous n'en sommes pas là. Moi, je pense que on a changé Ben Ali. Le départ de Ben Ali ne coïncide pas avec une rupture fondamentale dans la structure du pouvoir en Tunisie. Dans le cas de l'Égypte, vous voyez Moubarak qui essaye de s'accrocher au pouvoir. Maintenant, ce qui est le plus important, c'est dans l'émergence de nouvelles puissances à l'échelle internationale, dans un monde peut-être beaucoup plus multilatéral et plus polycentrique, ça pourrait certainement octroyer pour les formations sociales dans ces pays-là qui œuvrent vers des ruptures fondamentales, ça pourrait octroyer de nouveaux leviers. Mais pour l'instant, si vous regardez le rapport que le régime égyptien entretient avec l'impérialisme américain, avec l'antisioniste, justement, qui est très à côté, avec l'État d'Israël, bon, je ne pense pas que c'est avec Mohamed El-Baradei, même avec le départ de Moubarak, Mohamed El-Baradei, qui est un fonctionnaire international, multimillionnaire, très, très, très habile pour jouer dans les rouages des institutions internationales, issues de la bourgeoisie tunisienne, ce n'est certainement pas avec lui qu'on va assurer une rupture en Égypte avec l'ordre néolibéral dans lequel ce régime s'est inscrit depuis toute la politique de l'infitah en Égypte, c'est-à-dire depuis l'ouverture économique post-Nasser, si vous voulez, depuis finalement les accords de Camp David. Non, nous n'en sommes pas là et je doute que cela soit à l'ordre du jour pour l'instant, mais je sais qu'il y a actuellement au sein de la société civile, que ce soit en Égypte, j'ai lu quelques interviews de certains intellectuels et du mouvement Fethiya par exemple, recherché par Internet, vous trouverez des tendances qui œuvrent un peu pour faire advenir les principes qui sous-tendent votre question, mais je resterai pour l'instant très attentif sur ces questions-là. Et un peu, là on est un peu dans la spéculation, mais on a beaucoup parlé du rôle, dans les dernières semaines, du rôle de l'Égypte, en fait, dans cette zone-là, comme étant un acteur très majeur, très influençant. une fois que Moubarak dit « je m'en vais, je laisse la place », est-ce qu'on peut s'attendre, est-ce que ça, c'est le point culminant des révoltes populaires du Maghreb ou est-ce que c'est l'amorce d'un effet domino qui va avoir lieu dans d'autres pays? Ça pourrait-tu se poursuivre? Bon, actuellement, il y a des, si vous voulez, il y a des révoltes actuellement qui émanent au Yémen. Il y en a qui émanent depuis même le Maroc. Hein. Vous voyez que, par exemple, l'armée marocaine a dépêché des troupes qui étaient stationnées au Sahara occidental, donc au sud du Maroc, qui est un territoire qui demande un référendum pour son autodétermination. Donc la monarchie marocaine a rapatrié des troupes par dizaines de milliers au cas où il y aurait une révolte. En Libye, le régime de Kadhafi, actuellement, il est contesté, mais pour l'instant, il s'est lancé dans une logique de normalisation avec l'Occident. La Syrie de Bachar al-Assad sera certainement un régime qui sera qui est d'abord une dictature, mais que les Occidentaux voudront déstabiliser parce qu'ils ne rentrent pas dans la logique de la politique occidentale au Moyen-Orient. Donc, ce qu'il va falloir observer, c'est entre les aspirations légitimes qui émaneraient pour plus de démocratisation au sein des sociétés-là et, si vous voulez, la récupération qui pourrait en être faite par les puissances occidentales qui voudront, elles, consolider leurs alliés et leurs hommes en vue, finalement, de la poursuite de leur ordre dans ces sociétés-là. Et ça, il faut le savoir que en Tunisie, par exemple, on a de plus en plus d'informations qui montrent que si l'armée tunisienne n'a pas tiré sur la population, les ordres pour le général Rachid Ammar en Tunisie ne venaient pas de Ben Ali, mais ils venaient de l'ambassadeur des États-Unis à Tunis. On a des preuves qui montrent que le ministre des Affaires étrangères en Tunisie, Kamal Morjane, était un homme proche du National Endowment Institute aux États-Unis, qui était l'homme des États-Unis qui préparait l'après Ben Ali. Donc il faut savoir que l'impérialisme prépare ses hommes. Hein. Ils ont un plan A, ils ont un plan B, ils ont un plan C. Voilà, donc il faut garder, donc quand on analyse ces situations-là, il faut prendre en considération les légitimes demandes de ces sociétés-là, il faut prendre en compte l'ordre régional, mais bien entendu, comme vous le faites très bien, il faut également observer la logique des institutions internationales, la logique des acteurs importants comme les États-Unis et la France, comment eux manœuvrent dans ces enjeux-là. Excellent. Et en terminant, en quelques mots, un auditeur veut appuyer les mouvements populaires qui se passent là-bas. Il veut prendre part un peu à ça de notre pays, du Canada, du Québec. Est-ce qu'il y a deux, trois petites pistes là, en quelques mots? Bon, alors, il y a toutes sortes de collectifs qui se sont constitués dans la diaspora. Les Algériens se sont constitués à travers un collectif de solidarité avec les luttes sociales qui ont lieu en Algérie. Les Tunisiens ont constitué des collectifs. Les Égyptiens se rassemblent tous les jours, hein, donc devant le consulat égyptien qui est situé sur 1000 de la Gauchetière au métro Bonaventure. Il y a toujours un sit-in, là, un rassemblement, pour le dire en français, tous les jours entre 17h et 18h devant le consulat égyptien. Aujourd'hui même, il y a des membres du collectif des Tunisiens là pour les luttes sociales qui est parti à Ottawa de manifester devant la colline parlementaire pour demander les gels des avoirs mal acquis de la famille Ben Ali, mais également pour que la justice soit faite à l'égard de ce parrain de ce régime Ben Ali, qui est Belhassen Trabelsi, qui a reçu l'hospitalité du régime de Stephen Harper. Samedi prochain, à 14h, au Square Dorchester, donc au métro Peel, Square Dorchester, pour ceux qui connaissent ici à Montréal, il y aura un rassemblement de solidarité avec les peuples tunisiens, égyptiens, algériens. Il y aura une manifestation, donc samedi à 14h, ici à Montréal. Donc la diaspora se mobilise, la diaspora issue de ces sociétés-là. Je dirais peut-être un élément qu'il faut savoir quand même. Dans le cas de l'Algérie, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Algérie, c'est le principal partenaire économique du Canada en Afrique et au Moyen-Orient. Il faut savoir que les institutions comme la Vallée ont des contrats importants d'engineering politique, au niveau pétrolier également. La Tunisie, par exemple, a signé des accords de sécurisation des investissements avec le Canada. On peut tout trouver ces éléments-là sur les sites d'économie, développement, du commerce du Canada. Si on sait chercher par Internet, toutes sortes d'accords tacites de libre-échange, de sécurisation des investissements sont signés dans le secret le plus absolu. Malheureusement, nos médias ne fouillent pas beaucoup ces questions-là. Ça montre également le rôle tout à fait sournois joué par le Canada à l'égard de ces régimes. Et voilà, je pense que si on peut contribuer à dévoiler tous ces liens-là qui sont occultes, et si on peut contribuer à dévoiler comment l'ordre économique mondial actuellement contribue à consolider des dictatures au pouvoir et des régimes népotiques, je pense qu'on aura pu contribuer. Je pense que votre émission fait œuvre utile dans ce sens. Eh bien, merci beaucoup. C'était le mot de la fin, je comprends bien. Monsieur Mouloud Idir. Voilà. Et au plaisir de vous réaccueillir à l'heure internationale. Ce sera avec plaisir. Au revoir. revoir. Bonne fin de journée, au revoir. Merci. Alors, c'était Mouloud Idir sur la situation du Maghreb, ce qui se passe un peu là-bas, les conflits, les révoltes populaires. Dans quelques instants à peine, je reçois Marie-Andrée Gauthier, une étudiante de Trois-Rivières en communication sociale qui est en train de faire son stage de fin de baccalauréat en Algérie, dans un ONG là-bas. Alors, elle va pouvoir nous donner un peu le pouls sur le terrain. Comment on se sent? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est fébrile? Donc, j'ai très hâte de m'entretenir avec elle. C'est dans quelques instants à peine. Alors, restez en onde. Vous écoutez L'Heure internationale, une